Dans sa boutique, le boulanger écoute le sifflet. Voilà le signal. Je te laisse, boulanger. Je vais m'enfermer au cercle avec Casimir. Et s'il avait quelque chose, tu me ferais prévenir. Merci, monsieur le marquis. Devant la boulangerie, le curé arrête le cheval et tend la main à Aurélie. Voici votre foyer, ma fille. Priez un moment et Dieu vous aidera. Que la paix soit avec vous. Il s'éloigne. Elle entre bravement. Elle reste debout contre la porte qu'elle vient de fermer. Elle lève les yeux. Au fond, devant le four, il y a son mari qui la regarde. Pardon. Pardon de quoi? De ce que j'ai fait. C'est ce que tu as fait qui te le demande. Tu sais? Bien sûr que je le sais. Tu fais du mal. J'ai été beaucoup inquiet. Tu ne me l'avais pas dit que tu allais chercher ta mère. Alors, tu pars comme ça, là, sans rien dire. Ça te prend d'un seul coup. Dis. Hein? Tu n'as pas eu froid, moi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Comment ça peut me faire? Ça me fait beaucoup. Maintenant que tu es là, je suis tellement content que tu reviennes, que tu ne vas pas me faire une maladie, au moins. Viens. Viens, ma belle, viens. Viens t'asseoir. Viens, assieds-toi. Hein? Assieds-toi, hein? Dans le fournil, il y a la petite table toute prête avec son poulet rôti, une bonne bouteille, un petit pain en forme de cœur. Tu dois avoir faim, hein? Je vais préparer un dîner pour moi. Je ne savais pas que tu es là ce soir. Puis maintenant, j'ai plus faim. Ne me pardonne pas comme ça. Ça me fait mal. Mais ne parle pas tout le temps de pardon. Tu vas finir par me donner des idées, là. Il prend le seau et commence à verser de l'eau dans le pétrin. Aurélie le regarde immobile. Ça t'étonne pas de me voir pétrir à cette heure-ci? Je sais pas. Parce que, Aurélie, il faut que je te dise quelque chose. Quand tu as été partie, mais je me suis mal conduit. Oui. J'ai profité que tu n'étais pas là et j'ai bu des apéritifs. Oui. Et j'ai plus fait de pain. Il retourne à sa farine et à ses seaux. Aurélie prend sur la table le petit pain doré en forme de cœur. Et celui-là, qui c'est qui l'a fait? C'est moi. Il a une forme comique, hein? Je l'ai fait cuire dans le fond du fourneau de la cuisine. J'ai jeté un morceau de pâte au hasard, là, un peu comme il est allé tomber. C'est le seul que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour moi, seulement maintenant il est pour toi, parce que c'est toi qui vas le manger. Allez, mange, ma belle, mange, mange, mange. Puis on fera. Il va au pétrin, il commence à brasser la pâte. Aurélie, qui pleure, se met à manger. Tout à coup, il tourne la tête vers la petite porte qui conduit à la cave. Par la chatière, la chatte noire, la pomponnette, vient d'entrer. Ah, mais... La voilà, la voilà. Tu l'as vu? Tu l'as vu retourner? La pomponnette? Dis, garce, salope, ordure. C'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre pompon, dit, qui s'est fait un mauvais sang de peste depuis hier, il tournait, il virait, il te cherchait dans tous les coins. Il était malheureux comme les pierres. Et elle, pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de gouttière, un inconnu, un bon à rien, un passant de clair de lune. Qu'est-ce qu'il a de plus que lui? Rien. Oui. Oh, mais toi, tu réponds rien. Mais elle, si elle pouvait parler, si elle n'avait pas honte, si elle n'avait pas peur de faire de la peine au pauvre pompon, elle dirait, il est plus beau, beau. Qu'est-ce que c'est, cette petite différence de l'un à l'autre? Les Chinois sont tous pareils, les nègres se ressemblent, c'est pas une raison. Parce que les lions sont plus forts que les lapins. Pour que les lapines courent après en clignant de l'œil. Et la tendresse, dit. Qu'est-ce que tu as fait de la tendresse? Tu crois que ton berger de gouttière se réveillerait la nuit pour te regarder dormir? Dis, tu crois que si tu étais parti, il laisserait refroidir son four s'il avait été boulanger? Et pourtant, si on pense à tout, il est vieux, Pompon. Elle est jeune, elle pouvait être sa fille. Alors, si la nature l'a voulu. Tais-toi, aimable, tais-toi. Tais. Regarde là, hein. Elle a eu l'assiette de lait du pauvre Pompon. C'est pour ça qu'elle est retournée. Elle avait faim et froid. Bois le lait de Pompon, hein. Ça lui fait plaisir. Dis, est-ce que tu repartiras encore? Elle ne repartira plus. Parce que si tu avais envie de repartir, il vaudrait mieux repartir tout de suite. Ça serait moins cruel. Non, elle ne repartira plus. Plus jamais. Elle s'est élancée. Elle baise la grosse main toute gluante de pâte, puis elle se blottit contre lui. Qu'est-ce que tu as, Aurélie? Qu'est-ce que tu as? Quoi? J'ai froid. Qu'est-ce qui te prend? Je ne sais pas. Je ne suis pas bien. Va te coucher, Aurélie. Non, je vais rester près de toi. J'ai froid. Viens. C'est le moment de rallumer le four. Nous réchaufferons tous les deux. Il va vers le four. Il ouvre la grosse porte de pierre. Elle l'a suivi jusque-là. Il prend un morceau de fil de fer qui porte un petit chiffon. Il le trempe dans un couvercle de boîte en fer blanc qui est plein d'alcool. Puis il allume le tampon et il approche des fagots la petite flamme bleue. Timidement, Aurélie arrête son bras. Dis, tu veux bien que je le rallume? Ah oui, ça c'est naturel. Il lui tend la petite flamme. Tu l'éteins quand tu t'en vas, tu l'allumes quand tu reviens. C'est juste. Aurélie plonge la flamme dans les fagots de bois de pin et tout à coup le four crépite. Le boulanger regarde l'incendie. Un peu de fumée vient dans le fournil. Il s'essuie les yeux en riant.